Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe en Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va vous parler de l'année européenne de la jeunesse. Et de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, 2022 a été consacrée année européenne de la jeunesse par les institutions européennes. L'objectif, c'est de donner la parole aux jeunes pour que les priorités des jeunes soient entendues et débattues au niveau national et européen. Alors après près de 2 années sacrifiées par la pandémie, c'est aussi offrir aux jeunes de nouvelles perspectives réjouissantes. Alors quand on parle des jeunes, de qui parle-t-on exactement ? Alors on parle essentiellement des jeunes de 15 à 29 ans. Et justement, combien sont-ils ces jeunes en Europe ? Eh bien, d'après Eurostat, l'Office des statistiques européens, au 1er janvier 2020, les 27 pays de l'Union européenne comptaient 73,6 millions de jeunes, soit près de 17% de la population européenne. Que va-t-elle permettre de concret pour les jeunes cette année européenne pour la jeunesse ? Eh bien, c'est une année pour s'engager, participer à créer un avenir meilleur, plus écologique, plus inclusif et plus numérique en Europe. Et ça se matérialise avec des budgets en hausse pour cette année, donc pour les programmes Erasmus+, donc le programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et le corps européen de solidarité pour permettre là aussi aux jeunes de se rencontrer et d'échanger. Ces programmes y bénéficient de près de 4 milliards d'euros pour 2022. Mais c'est super, ça. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que fait l'Europe pour les jeunes ? Eh bien, l'Union européenne finance des bourses pour permettre aux étudiants ou aux apprentis d'effectuer un semestre d'études ou de stage à l'étranger, notamment à travers le programme Erasmus+. Et elle permet aussi aux jeunes de s'engager dans des projets de solidarité, donc en tant que volontaires ou jeunes professionnels, à travers le corps européen de solidarité, en leur fournissant une indemnité. Si je comprends bien, les initiatives en faveur des jeunes sont plutôt à destination des jeunes de plus de 18 ans. Alors oui, effectivement. D'ailleurs, les jeunes qui ont 18 ans cette année, je vous invite vraiment à candidater pour l'initiative Discover EU. Vous pourrez peut-être remporter un pass Interrail pour partir à la découverte de l'Europe en train. Alors pour cela, rendez-vous sur le site europa.eu et entrez donc Discover, D-I-S-C-O-V-E-R-E-U, dans le moteur de recherche pour postuler. Il vous suffit de répondre à quelques questions sur l'Union européenne et les initiatives de l'Union européenne en faveur de la jeunesse. Bonne chance à vous. Et qu'en est-il des jeunes de moins de 18 ans ? Eh bien, l'Union européenne, elle vient en aide aux jeunes décrocheurs qui ont quitté trop tôt leurs études en leur offrant un accompagnement personnalisé et un coup de pouce financier pour qu'ils trouvent leur voie et s'insèrent dans une nouvelle formation ou décrochent un emploi grâce à la garantie jeune qui est cofinancée par le Fonds social européen. Depuis quand existe-t-elle et qui peut en bénéficier ? Eh bien, cette garantie jeune, elle a été mise en place en 2013. Elle prévoyait une aide pour les jeunes de 15 à 25 ans qui n'étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et dans les régions les plus impactées par le chômage, donc au-delà de 25% de jeunes sans emploi, la garantie jeune, elle a été complétée par l'initiative pour l'emploi des jeunes et elle permet de financer donc des apprentissages, des stages, des dispositifs d'accompagnement à la recherche d'emploi et des formations qualifiées. Alors pour vous donner quelques chiffres, 960 millions d'euros de fonds européens ont été consacrés à la lutte contre le chômage des jeunes sur la période 2014-2020. Merci Camille, il est temps de marquer une pause dans votre émission Europe On Air. On écoute maintenant la chanson Europe is Lost de Kate Tempest. Europe On Air avec les centres Europe Direct. Europe is lost, America lost, London lost. Still we are clamoring victory, all that is meaningless rules. We have learnt nothing from history, the people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving, systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs, and there's 2-for-1 drinks in the clubs, and we scrubbed up well, washed off the work and the stress, and now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget. All of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands, the buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs, and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want, and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring.

Quels sont les pays qui se sont engagés à mettre en œuvre cette garantie renforcée pour la jeunesse ? Eh bien, tous les pays de l'Union européenne se sont engagés à mettre en œuvre cette garantie renforcée pour la jeunesse dans une recommandation donc, du Conseil d'octobre 2020. Cette recommandation, elle se fonde sur une proposition de la Commission européenne qui fait partie du train de mesures d'aide à l'emploi des jeunes. La recommandation, elle s'appuie sur un financement important de l'Union européenne au titre du plan de relance européen Next Generation EU et du budget à long terme de l'Union européenne. Et comment la garantie pour la jeunesse a-t-elle été renforcée ? Eh bien, compte tenu de la crise sans précédent provoquée par la pandémie de Covid-19 qui continue de toucher les jeunes de manière disproportionnée, il fallait agir rapidement. La garantie pour la jeunesse renforcée, elle intensifie le soutien global à l'emploi qui est ouvert aux jeunes dans l'ensemble de l'Union européenne et qui couvre désormais, donc on a dit, un groupe plus large qui comprend les jeunes de 15 à 29 ans. À qui vient-elle en aide désormais ? Eh bien, elle s'adresse aux millions de jeunes qui sont menacés par le chômage ou qui ne parviennent pas à entrer sur le marché du travail à l'heure actuelle, sans perdre de vue donc les personnes les plus difficiles à atteindre, qui rencontrent de multiples obstacles depuis des années. La garantie pour la jeunesse renforcée, elle emploie pour cela des méthodes individualisées et personnalisées et elle fournit aux jeunes le niveau approprié d'orientation et les aide à trouver des formations accélérées ou des stages intensifs s'ils doivent renforcer leurs compétences. Et depuis le 1er mars 2022, donc on ne parle plus de garantie jeune, mais de contrat d'engagement des jeunes en France. Et quelles sont les perspectives ? Eh bien, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé le lancement du programme ALMA, Aim, Learn, Master, Achieve, apprentissage, donc maîtrise, réussite. Ce programme y proposera un séjour supervisé de 2 à 6 mois dans un autre pays de l'Union européenne, et un cycle de projet complet avec un accompagnement et des conseils à chaque étape. Enfin, à qui s'adressera ce nouveau programme ? Eh bien, ce programme, il doit apporter une réponse complémentaire à Erasmus+, ou le Corps européen de solidarité, en offrant un soutien aux jeunes les plus défavorisés et qui, jusqu'ici, sont tenus éloignés des opportunités de mobilité en Europe, en raison, par exemple, de leur handicap, de leur origine migratoire, de leur performance scolaire ou de leurs compétences professionnelles insuffisantes. En bref, ce sont toujours plus de perspectives et d'opportunités pour les jeunes en Europe, et ça, on ne peut que s'en réjouir. C'était la chronique Europe en Air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien.